c'est la reine. Moi pas les faire la peine. Nathalie, c'est ou qui plus jolie. Dis-moi oui pour la vie. Songez-nous, dis-moi oui pour toujours.